Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Take me across the sky. Something in my face. as un groupe de métal et tu veux passer dans le Metal Express, rien de plus simple, va sur la page Facebook Metal Express et laisse un message. Miracles would have to say those that the beast destroyed. Radio Heavy Metal, la radio 100% métal et découverte. Alors surtout, reste bien à l'écoute. We'll be right back.